Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Ebola, l'épidémie. En mars 2014, un vent de panique se met à souffler. Le virus Ebola sévit en Afrique, tuant dans des conditions souvent épouvantables des centaines d'individus. Ignorant les frontières, il se propage à partir d'un foyer situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, en Guinée, Libéria, Sierra Leone, et migre vers la République démocratique du Congo, à l'Est ainsi qu'au Sénégal, au Sud. Au moment où nous parlons, il y a déjà plus de 5000 victimes et le virus élargit son emprise. Voici que de nouveaux cas viennent d'être diagnostiqués au Mali. Ebola se répand comme une traînée de poudre et semble incontrôlable. Il a maintenant franchi les rivages européens et américains. Pourtant, ce virus n'est pas nouveau. Ce n'est pas un venu sur scène d'hier. La première apparition d'Ebola remonte même à près de 40 ans, en 1976, précisément au Zaïre, au bord de la rivière Ebola, dont il tire son nom, ainsi qu'à Nzara, au Soudan. Ensuite, des épidémies fulgurantes, mais suffisamment localisées pour ne pas occuper durablement le devant de la scène, nous sont sporadiquement rapportées par les médias. Jusqu'à cette année, où l'attaque a changé d'échelle, car c'est à une pandémie que nous sommes maintenant confrontés. C'est sur ce fléau que nous allons revenir aujourd'hui avec, pour nous en parler, après le récit, le docteur Michel Janssen de Médecins Sans Frontières, qui vient de rentrer du Libéria. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Marie-Louise Beau et Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attaché de production Léa Dupuy-Henquin, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Pierre Jabot, Coyen Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Sandrine Laurent, Jonathan Ketsa. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Kikwit, c'est dans cette ville donc de 600 000 habitants, située à l'est du Zaïre, qu'une mystérieuse épidémie se répand depuis quelques semaines. Au Zaïre, après la découverte de plusieurs dizaines de cas de décès dus à la résurgence du virus Ebola, les spécialistes sont inquiets. L'épidémie progresse dans le sud-ouest du pays. Le virus Ebola est présent dans les liquides corporels. Il provoque fièvre, diarrhée et hémorragie et tue d'abord les chasseurs qui nourrissent les villages, les soignants et ceux qui font la toilette des morts. À Kinshasa, le comité de crise mis en place par les autorités pense avoir identifié l'homme qui serait à l'origine de l'épidémie. Pour lutter contre ce qu'on appelle pour le moment une épidémie de diarrhée rouge et qui pourrait être provoquée par ce mystérieux virus d'Ebola, mais ce n'est pas encore sûr, il n'existe pour le moment ni traitement ni vaccin efficace. Définir un vaccin contre Ebola serait certainement facile. Le problème est uniquement un problème de marché. Si les progrès de la médecine moderne ont permis d'éradiquer des maladies séculaires comme la peste bubonique ou la diphtérie, depuis le milieu des années 70, on voit apparaître ici et là sur l'ensemble de notre planète de nouvelles épidémies, d'autant plus terrifiantes que leurs causes restent souvent inconnues et qu'elles semblent pour la plupart avoir traversé la barrière des genres en migrant à partir d'espèces animales. Elles sont spectaculaires et effrayantes. Et c'est précisément Ebola qui ouvre le bal en 1976, suivi de près par le sida, puis par les fièvres bovines, ovines et aviaires. Les symptômes de chacune d'entre elles, sévères, ne sont pas sans rappeler les épidémies moyenâgeuses qui glaçaient le sang de nos ancêtres. Face à ces tragédies, notre impuissance n'est pas très éloignée de la leur, nous qui sommes pour l'instant tout aussi démunis en dépit des avancées de la science. Alors, la nature se rebellerait-elle face aux mauvais traitements que lui inflige notre société ? La question vaut la peine d'être posée, car l'apparition de ces fléaux modernes est concomitante à la destruction de l'environnement, à l'altération des écosystèmes. C'est ce à quoi semblent conclure en tout cas les recherches menées par les scientifiques qui sont restés longtemps trop peu nombreux à travailler sur le virus. Les laboratoires sont peu nombreux pour deux raisons. Les conditions de sécurité nécessaires sont rarement remplies. Donc il y a actuellement deux laboratoires aux États-Unis, celui de l'armée à l'USM Reed à Fort Detrick et celui du CDC qui sont parfaitement opérationnels. Il y en a un qui est en cours de développement au Canada, qui sera fonctionnel en 97. Et autrement, il y en avait plusieurs sûrement en ex-URSS. On ne sait pas très bien où ils en sont actuellement. Il y a eu beaucoup de publications qui sont parues après la chute du mur de Berlin qui prouvent que donc la recherche était assez avancée dans ce domaine-là. Il y a un laboratoire en Angleterre très bien équipé. Bon, le mien à Paris qui n'est pas équipé pour faire de la recherche, qui est équipé juste pour faire du diagnostic. C'est-à-dire qu'on peut isoler le virus, mais il n'est pas question ensuite d'aller immuniser des animaux, par exemple, ou essayer de comprendre la pathogénie. et également en Afrique du Sud, il y a un laboratoire qui est bien équipé. Donc les personnes travaillant dans ce domaine sont assez peu nombreuses et on se connaît tous. Quoi qu'il en soit, après les 25 épidémies éphémères et rapidement circonscrites qui se sont succédées depuis l'apparition de la maladie en 1976, le virus Ebola fait tout à coup un retour en force et plonge l'Afrique tout entière dans la frayeur et la consternation. Indicateur significatif, même l'univers sportif est touché, puisque le Maroc, hôte officiel de la Coupe d'Afrique des Nations, a battu en retraite par crainte d'une contamination de son territoire et que, pour la même raison, de nombreux autres pays africains ont refusé d'accueillir l'événement. Alors en 2014, où en sommes-nous face à ce virus insaisissable? Quels sont les progrès réalisés par la recherche? Comment se fait-il qu'en dépit de la connaissance que nous avons du virus depuis des décennies, nous n'ayons pas de vaccin ou de sérum disponible? L'histoire commence en septembre de l'année 1976. À Paris, le ministre de la Santé lance l'alerte dans les termes suivants. Il se passe quelque chose de terrible dans le coin de Bumba. On n'arrive ni à savoir de quoi il s'agit, ni à circonscrire le phénomène. Ce message est adressé en fait au docteur Raffier, un médecin qui exerce au Zaïre, où il est chef de la mission médicale française, et conseiller du commissaire d'État, autre nom des ministres du maréchal Mobutu Sese Seko, président du Zaïre. Bumba est une localité de la province de l'Équateur, située sur les rives du fleuve Congo. Après enquête auprès des institutions concernées, le médecin décide de se rendre sur les lieux en compagnie du docteur Jean-François Ruppol, un confrère belge. Un hélicoptère les achemine tous les deux jusqu'à Yamboukou, près de la frontière centrafricaine. Et voici ce qu'ils découvrent en arrivant à l'hôpital de la mission foyer de l'infection, un endroit où les malades tombent comme des mouches. Un spectacle inimaginable, terrifiant. Les malades saignent de partout, par les yeux, les oreilles, la bouche. Ils souffrent d'épouvantables diarrhées. Les religieuses, qui manquent de matériel, utilisent plusieurs fois la même aiguille à l'heure des piqûres. Perplexité totale, affolement et désarroi absolu. Quand notre hélico survole un village en rasant la cime des arbres, les locaux tendent les bras vers nous. « Au secours » crie-t-il, « on est en train de mourir. » J'en tremble encore. Que faire face à ce spectacle apocalyptique, face au désespoir des populations, face au chaos sanitaire? Maîtrisant leur stupeur, les deux médecins commencent à examiner la situation, à interroger les gens, à explorer les pistes. Ils découvrent immédiatement qu'en raison d'une pénurie de matériel médical, le personnel est contraint de faire fi des principes d'hygiène les plus élémentaires, en réutilisant du matériel non stérilisé, susceptible de contaminer des personnes saines. Il découvre ainsi pourquoi les populations les plus atteintes sont les femmes enceintes. L'hôpital leur administre systématiquement des injections de vitamines avec ce même matériel souillé. Les médecins en déduisent que la maladie se transmet par contact avec le sang et les fluides corporels. Les populations qu'ils encouragent à violer les règles coutumières afin d'observer un isolement, voire la quarantaine, ne coopèrent pas, en tout cas pas volontiers. Les directives médicales sont quasiment inacceptables, spécialement dans le contexte des rites funéraires qui impliquent des soins intimes aux défunts et des rassemblements familiaux importants. En 1976, la maladie fait la une à la télévision française. Inquiétude au Zaïre où une maladie inconnue a déjà tué 800 personnes. Des prélèvements effectués sur les victimes ont été envoyés à l'Institut de médecine tropicale à Anvers, en Belgique, ainsi qu'à l'Institut Pasteur de Paris. Le point sur cette affaire avec Pierre Bourget. Eh bien, c'est une affaire qui est extrêmement mystérieuse pour le moment, pour une raison extrêmement simple. Les personnes présentant cette maladie avaient des symptômes qui sont banaux en eux-mêmes, c'est-à-dire des migraines, de la fièvre, mais ensuite ces symptômes s'aggravaient brutalement pour se transformer en hémorragie massive et la mort suivait presque immédiatement. Ces symptômes correspondent, on le sait, à un certain nombre de fièvres hémorragiques bien connues, comme par exemple la fièvre d'Azerbaïdjan. Mais c'est à partir de ce moment-là que tout commence et qu'une vaste enquête internationale est en cours pour savoir quel est l'agent responsable de cette véritable épidémie qui a fait 800 morts. Simultanément, en Belgique, de nouveaux éléments d'investigation parviennent en provenance du Zaïre. Ils vont être capitaux pour isoler et pour identifier le virus. Anvers, Belgique, fin septembre 1976. Transportée en bagage à main par un passager de la compagnie aérienne Sabena, une bouteille thermos en provenance de Kinshasa, la capitale du Zaïre, arrive au laboratoire de microbiologie de l'Institut de médecine tropicale où exerce le docteur Peter Pio, co-découvreur du virus. Voici comment il a réceptionné ses prélèvements. Dans le thermos, barbotant dans des glaçons à moitié fondus, se trouvaient deux tubes de verre dont l'un était cassé. Du sang s'était mêlé à l'eau des glaçons, mais heureusement, le second tube était intact. Une note manuscrite accompagne les échantillons. Elle provient d'un médecin belge exerçant en Zaïre qui précise que les tubes contiennent le sang d'une religieuse décédée. Ce médecin a pronostiqué la fièvre jaune et c'est précisément parce que ce labo travaille sur les arbovirus, type de virus auquel appartient l'agent de cette maladie, que des prélèvements lui ont été adressés. C'est ainsi que les chercheurs de l'Institut se trouvent confrontés, via leur microscope, à un virus géant ressemblant à un filament, une sorte de verre. Il présente des similitudes avec le virus de Marburg, responsable d'une fièvre hémorragique, mais il possède d'autres caractéristiques. Autrement dit, une maladie inconnue vient d'apparaître. Confirmant les résultats du labo d'Anvers, le Center for Disease Control d'Atlanta, auquel la souche responsable de l'épidémie a déjà été adressée, après analyse, on voit qu'on n'a pas affaire au virus de Marburg, mais bien à une nouvelle maladie. L'OMS et l'Institut Pasteur travaillent eux aussi sur le virus. En octobre 1976, lorsque l'alerte a été donnée à Yamboukou, dans le nord du Zaïre, l'OMS a constitué immédiatement une mission aussi pour aller étudier ce virus. Et à ce moment-là, déjà, un membre de l'Institut Pasteur, à l'époque le professeur Sureau, avait fait partie de cette mission internationale. L'Institut Pasteur, à partir de cette mission et de cette épidémie, s'est intéressé à ce virus. Entre-temps, au Zaïre, l'épidémie s'étend, faisant près de 300 victimes. Si bien que par télégramme, l'OMS enjoint le labo de cesser toute recherche sur ce virus considéré comme très dangereux. On l'a donc isolé. On sait aussi comment il se transmet. Et la recherche en reste là. Pourtant, l'essentiel reste à découvrir l'origine de la maladie. Les chercheurs ont déjà noté le lien existant entre son apparition et les carences sanitaires, certes. Mais ces dernières ne sont pas responsables que de la contagion du virus, non de son apparition. En revanche, ils savent déjà que le virus Marburg tient son nom de la ville allemande dans laquelle, en 1967, des laboratoires ont étudié des singes verts ou cercopithèques venus d'Ouganda. Ces singes avaient infecté 30 personnes, dont 7 étaient mortes. La piste d'une migration à partir d'un animal n'est donc pas à négliger. Ce n'est que beaucoup plus tard, après plusieurs résurgences de la maladie sur le sol africain, qu'on va commencer à y voir plus clair. Pour l'endiguer, il est indispensable d'instaurer une veille sanitaire dans les régions exposées. Les deux questions restent posées. L'identité des espèces porteuses du virus, en jargon scientifique les réservoirs, et les conditions de sa transmission à l'homme. Selon les chercheurs, ces animaux appartiennent soit à une espèce rare, liée à l'écosystème forestier, soit à une espèce commune sans contact significatif avec l'homme en raison d'une niche écologique éloignée. Selon les uns ou les autres, il pourrait s'agir d'arthropodes, dont des invertébrés comme les insectes ou l'araignée par exemple, ou même de mammifères comme la chauve-souris et les singes. Le virus Ebola est véhiculé par les gorilles ou les chimpanzés qui, trouvés morts dans la forêt, sont dépecés par les chasseurs. Une aubaine, car les grands singes représentent beaucoup de viande et des revenus pour ces chasseurs très pauvres, mais c'est en les dépeçant qu'ils se contaminent, car le virus Ebola est présent dans les liquides corporels. Il provoque fièvre, diarrhée et hémorragie et tue d'abord les chasseurs qui nourrissent les villages, les soignants et ceux qui font la toilette des morts. D'où la terreur qu'il déclenche dans un contexte très particulier. Les théories divergent. En revanche, tous sont d'accord pour incriminer l'altération des écosystèmes qui a brouillé les échanges entre la faune et l'environnement. La construction de routes, des saignées dans la brousse, le défrichement et l'installation de l'homme dans de nouveaux espaces augmentent l'interface forêt-savane, ce qui entraîne des migrations vers de nouveaux territoires, ainsi que des échanges à risque entre espèces. La prise en compte de ces facteurs est essentielle pour anticiper la détection des épidémies et ses conclusions sont entre les mains des chercheurs dès 1999. Des facteurs clés pour sinon éradiquer le virus, tout au moins le contrôler. « Kikwit, c'est dans cette ville donc de 600 000 habitants, située à l'est du Zaïre, qu'une mystérieuse épidémie se répand depuis quelques semaines. Elle aurait déjà fait entre 50 et 100 victimes, selon les sources, dont deux médecins et quatre religieuses britanniques. Pour lutter contre ce qu'on appelle pour le moment une épidémie de diarrhée rouge, et qui pourrait être provoquée par ce mystérieux virus d'Ebola, mais ce n'est pas encore sûr, il n'existe pour le moment ni traitement ni vaccin efficace. C'est donc dans la région de Kikwit, au Zaïre, que se produit une première résurgence importante d'Ebola. L'épidémie éclate en mai 1995. Elle provoque une panique considérable. On dit qu'Ebola met 10 jours à accomplir ce que le sida lui fait en 10 ans. Nako kamwa likamwe kweli ngai epai na yo mase toyeba ningai na yo bambule beleleka toyamba ni esengo nyoso etange mase bongo. Après la découverte de plusieurs dizaines de cas de décès dus à la résurgence du virus Ebola, les spécialistes sont inquiets. L'épidémie progresse dans le sud-ouest du pays. L'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, l'Institut Pasteur ont envoyé dépêcher sur place plusieurs experts. Ce qu'ils ont découvert dans la ville de Kikwit ne les a pas rassurés. L'hôpital est quasiment désert et d'après les spécialistes, un certain nombre de fuyards risquent de propager la maladie dans d'autres localités du Zaïre. L'OMS vient d'ailleurs d'indiquer que l'épidémie est toujours en extension, dans une phase, dit-elle, ascendante. Kikwit n'est distante que de 500 km de la capitale, Kinshasa, une ville populeuse de plus de 4 millions d'âmes. Une ville chaotique où rien ne fonctionne, où l'hygiène n'est qu'une vue de l'esprit, où des milliers de gens traînent dans les rues à la recherche de leur subsistance dans des conditions sanitaires innommables. Kinshasa, capitale du Zaïre, est fief de son chef suprême, le léopard du Zaïre, comme il se fait appeler, le maréchal Mobutu. Non, décidément, Kinshasa ne peut pas être exposé à une telle menace. Alors les précautions les plus drastiques sont prises. Des dispositifs de sécurité mis en œuvre, assortis d'une quarantaine de la ville infestée. D'ailleurs, la zone de Kikwit est déclarée sinistrée. Le pays lance un appel à l'aide internationale auquel l'OMS répond par l'envoi de chercheurs. À leur retour de mission, les journalistes étrangers venus enquêter sur le terrain sont même retenus par l'armée zaïroise à l'aéroport. La peur du virus est telle que le président Mobutu va même jusqu'à annuler ses projets de voyage. Jean-Karim Fall, envoyé spécial de RFI, était sur place au Zaïre. La région du Bandundu, où s'est déclarée l'épidémie de fièvre hémorragique, est isolée. À 120 km de Kinshasa, les militaires zaïrois semblent appliquer, du moins avec les journalistes, les consignes. Personne ne passe. La route est en effet quasiment déserte. 260 camions venant de Kikwit et d'ailleurs sont bloqués un peu plus loin, à 160 km de la capitale. 3000 personnes, fuyant pour la plupart Kikwit, le foyer de l'épidémie, sont totalement isolées, dépourvues de tout. Deux femmes ont d'ailleurs accouché hier au bord de la route. L'un des responsables de la zone ne comprend pas et s'insurge contre l'isolement de toute une région. Vraiment, la situation est catastrophique. Vraiment, il n'y a rien, absolument rien. Jusqu'à présent, on n'a enregistré aucun malade. Alors pourquoi mettre les gens en quarantaine? Je ne vois pas pourquoi. Ce témoignage confirme, si besoin l'était, que de nombreux Zaïrois relativisent le danger que représente le virus d'Ebola. Ce qui ne semble pas être le cas du maréchal Mobutu, qui a expliqué hier pourquoi il ne se rendrait pas à Kikwit. L'ensemble des médecins que j'ai consultés n'ont pas conseillé d'y aller, d'attendre encore quelques temps. En dépit de toutes ces mesures, la maladie SM et quatre nouveaux foyers apparaissent dans la région. En France, les services sanitaires de l'aéroport de Roissy sont sur le pied de guerre. Tous les passagers arrivant du Zaïre, mais aussi du Congo-Brazzaville et du Cameroun voisin, sont contrôlés et informés par fiche des modes de transmission de la maladie, de sa nature et de ses symptômes qui font froid dans le dos. Fatigue accompagnée d'accès de fièvre brutaux, douleurs musculaires, maux de tête et de gorge, puis, dans un deuxième temps, vomissements, diarrhées, éruptions cutanées et hémorragies internes comme externes. Et il n'existe toujours aucun traitement. Dans ce combat inégal, la seule arme reste la prévention. Mais la suspicion des populations africaines face aux interventions des ONG occidentales freine leur action. Outre le virus, elles doivent aussi combattre la résistance de gens qui se méfient à la fois de ces blancs cagoulés et gantés, venus en principe les aider, mais dont elles doutent. Il y a aussi les vieilles peurs ancestrales, le recours aux médecines traditionnelles des sorciers, la réaction des malades, qui par crainte d'être ostracisés, taisent leur état le plus longtemps possible, contribuant ainsi à la propagation du virus. Ou pire encore, un rejet dont les manifestations vont parfois jusqu'au crime. À Kélé, petite ville de 4000 habitants, du département de la Cuvette Ouest, l'état de psychose a atteint des sommets et a bouleversé totalement les rapports sociaux qui réglaient la vie quotidienne des habitants. Située dans une région enclavée loin de tout, sous-développée, Kélé a très peu de contact avec l'État congolais. Les structures médico-sociales y sont pratiquement inexistantes, les sorciers ont pris le pouvoir, le clergé catholique et protestant traditionnel a quitté les lieux et laissé la place à une dizaine d'églises. Dès les premiers cas de fièvre hémorragique, la population a repoussé les messages de prévention de l'État et a cherché des boucs émissaires. Quatre enseignants ont été désignés et assassinés. Puisque l'on sait, et cela depuis 1976, que le virus Ebola se transmet par contact immédiat, la seule façon de s'en prémunir reste l'isolement et l'hygiène. Oui, une hygiène minutieuse. Les mesures préconisées sont simplissimes. Se laver les mains avant de manger, éviter de serrer les mains, etc. Les experts mandatés par l'OMS accompagnent les équipes sanitaires, leur enseignent les techniques de stérilisation, l'utilisation adéquate des vêtements de protection. Car c'est grâce à ces seules mesures qu'on va enfin juguler le virus, puisqu'il ne se transmet, et on le sait, que par contact. C'est vraiment une infection de proximité. Et c'est ce qui explique que les soignants, les infirmières, les médecins, les transporteurs des malades, soient parmi les premières victimes et parfois les seules. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'épidémie d'Ebola. Pour en parler avec nous après le récit, notre invité, le docteur Michel Janssen de Médecins Sans Frontières, il vient de rentrer du Libéria. Cette épidémie de diarrhée rouge, autre nom de la fièvre hémorragique liée au virus Ebola, aura fait une centaine de morts quand s'amorce enfin la décrue. Le virus se tapit dans l'ombre jusqu'au début de cette année où une pandémie se déclare simultanément dans plusieurs pays africains. Mars 2014, l'affolement est à son comble. Il fait la une de toute la presse et l'ouverture des journaux télévisés. Ebola se propage sur tout l'ouest du continent africain et rien ne semble devoir arrêter sa progression. Selon l'OMS, la maladie serait partie en décembre 2013 de Gekedou, une agglomération guinéenne située aux confins de la Sierra Leone et du Libéria. Lorsque la première victime, un jeune garçon, a été infecté après avoir consommé de la viande contaminée. L'enfant aurait ensuite transmis le virus à sa petite sœur, qui à son tour l'aurait transmis à sa mère, à sa grand-mère et à une amie sierra-léonaise. Tous décèdent quelques semaines plus tard, en janvier 2014. Toujours selon l'OMS, seule la grand-mère propage le virus et permet la multiplication des chaînes de transmission. Parce qu'à ses débuts, la maladie se distingue difficilement d'autres affections comme la malaria, la typhoïde ou la méningite. Ebola n'est officiellement diagnostiqué qu'en mars 2014. C'est le 22 que le gouvernement guinéen annonce publiquement l'épidémie après l'identification du virus par l'Institut Pasteur. Entre-temps, il aura longuement circulé sur les pistes de brousse, dans les villes surpeuplées, traversé les frontières et même les océans, tuant des milliers de personnes. De plus, et contrairement aux épisodes précédents, l'épidémie ne se limite pas au milieu rural, mais sévit maintenant dans les villes, ce qui, compte tenu de la promiscuité, complique le travail des équipes médicales. Sur le front de la recherche, si l'on a découvert qu'on avait affaire à un filovirus et que plusieurs souches distinctes étaient responsables de la maladie, en revanche, pour ce qui est du vaccin, les choses n'ont guère progressé depuis les épidémies précédentes. En 1996, les chercheurs ont une position sans ambiguïté sur la question. Définir un vaccin contre Ebola serait certainement facile. Il y a déjà eu des essais de fait par les Russes en particulier, donc ils ont réussi à immuniser apparemment des singes, si on en croit les publications qui sont parues dans les années 92. Le problème est uniquement un problème de marché, et c'est pas vrai seulement pour Ebola, c'est vrai pour beaucoup d'autres maladies. Les fabricants de vaccins doivent choisir des priorités. Il y a bien d'autres pathologies dans le monde qui font de nombreux cas, par exemple la dengue, et chaque vaccin développé nécessite du personnel, du temps, de l'argent. Il n'est pas possible de développer des vaccins contre toutes les maladies existantes. Donc on peut dire que Ebola n'est pas une priorité pour l'instant. Les damnés de la Terre, car le virus ne ravage que les régions en déshérence et ne s'attaque qu'aux populations démunies. Il suffit d'ailleurs de dresser un état des lieux des pays touchés par l'épidémie actuelle pour appréhender plus précisément cette situation. Le Libéria, par exemple, sort de 10 ans de guerre civile, tout comme ses deux voisins, la Sierra Leone et la Guinée, affectés eux aussi par la pandémie. Ce sont des pays fragilisés socialement et politiquement, à l'économie défaillante. La Sierra Leone, dont le PIB mondial est le plus bas, fait partie des pays les plus pauvres. Sa société est très inégalitaire, son économie l'est donc, aussi et forcément. Quant à la Guinée, elle s'est surtout illustrée ces dernières années par le niveau de corruption de ses élites. C'est ainsi que le mal court et poursuit sa progression furtivement, sournoisement, ou de manière plus spectaculaire, comme cette année où il a gagné le territoire malien sur lequel il s'étend. Depuis son apparition en 1976, le virus Ebola fait au total près de 6 000 victimes. Si ces nombreuses occurrences ont mobilisé l'attention des chercheurs dans les laboratoires et les responsables de l'OMS pour la diffusion d'informations, ce sont surtout les ONG qui sont intervenues sur le terrain et ont fourni le plus gros travail auprès des populations. Comme d'habitude, comme souvent, les ONG montrent à quel point elles sont précieuses. Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le virus Ebola avec notre invité, le docteur Michel Janssen de Médecins Sans Frontières. Bonjour. Bonjour. Vous venez de rentrer du Libéria il y a 4 jours, je crois. Oui. Vous me disiez tout à l'heure, ça fait du bien de pouvoir toucher les gens. Enfin. Ben oui, parce que c'est très particulier cette mission où on ne touche personne, jamais, sauf quand on est habillé en cosmonaute pour aller toucher les malades. Et on touche pas ses collègues, on ramasse soi-même son assiette, on ouvre le paquet de cigarettes à l'envers pour éviter de toucher le mégot au cas où on serait infecté. Donc on se protège les autres. Et quand on fait une petite tourista ou une petite fièvre, tout de suite on se met en isolement en espérant que ça soit rien. Puisqu'on ne sait pas, comme vous l'avez bien dit dans l'histoire, c'est simplement des fièvres et des diarrhées qui sont le premier symptôme de la contagion de cette maladie qui fait peur. Et tout le monde fait un peu de fièvre et un peu de diarrhée. Bien sûr. Donc du coup, c'est une suspicion permanente. Et en même temps, c'est une grande solidarité puisque on est quand même tous au courant, on se protège et on protège les autres. Alors vous êtes resté combien de temps? Donc 2 mois. 2 mois, c'est ça, 2 mois exactement. Alors quelle est la situation sur place puisque vous en revenez? Donc quand je suis arrivé en septembre, ben, c'était donc à Monrovia, une ville de plus d'un million d'habitants, c'était... très peu de centres de traitement d'Ebola et beaucoup de malades, donc une urgence où tout le monde était débordé, la panique, et où on faisait beaucoup de réunions pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire bientôt, mais où rien ne se faisait. Donc, dans ces cas-là, ça crée des paniques, des maladresses et autres. Là, 2 mois après, on peut dire que maintenant, bon, ben, c'est très bien pour ceux qui ont Ebola, puisque, en tout cas, à Monrovia, il y a moins de cas. Sauf que les non-Ebola, récemment les patients de PALU et autres, tous les hôpitaux sont quasi fermés, il n'y a plus de vaccination depuis 6 mois. Et donc, il y a des drames, des gens qui arrivent, un papa qui vient avec son petit bébé, qui fait des convulsions pour fièvre, sans doute de PALU, mais on ne sait pas. On le reçoit à 2 mètres, on peut pas le toucher, on lui envoie une seringue avec du Valium en lui expliquant que c'est à lui-même de l'injecter à son enfant. Donc on assiste aujourd'hui à un renversement, c'est tout le monde se focalise sur Ebola, et c'est les non-Ebola, les accouchements, les infarctus ou autres qui sont la grosse priorité aujourd'hui. Parce que vous dites, ceux qui ont déjà la maladie, ceux-là on peut les soigner. Alors est-ce comment on la soigne si c'est pris à temps, comment ça donc, se passe donc d'après on soigne purement pas. Médical. Allez-y. On fait du soin palliatif. Donc une fois qu'ils sont diagnostiqués, donc il faut se protéger complètement pour faire une prise de sang puisque c'est hautement contagieux. Et le premier objectif, c'est que les soignants n'attrapent pas Ebola. Bien sûr. Donc, une fois qu'ils sont admis dans le centre, c'est des soins palliatifs. C'est-à-dire, c'est des antibiotiques d'office, c'est des médicaments contre la malaria, c'est des vitamines. On peut pas faire de transfusion. On fait très très peu de perfusion puisqu'il faut aller toutes les 4 heures les changer. Donc, c'est des antidouleurs. Et comme vous l'avez dit dans le reportage, au début, les patients sont peu symptomatiques. Puis vers le 7e jour, du 7e à la 2e semaine, ben, ils basculent ben, soit vers la mort, soit donc une chance sur 2 aujourd'hui. Et donc, on aide en faisant des soins infirmiers de base. Donc, essayer de leur donner à manger. Qu'est-ce que ça veut dire, une chance sur 2? Donc, soit vers la mort, soit vers quoi? Et ben, donc après, vers le sourcil, vers quoi? Non, on est guéri, survivor, comme ils disent là-bas, donc survivant. C'est-à-dire qu'a priori, on s'est auto-vacciné. C'est-à-dire que ces gens-là, donc il y en a certains qui viennent retravailler d'ailleurs au centre Ebola par solidarité, parce que ce qu'ils ont traversé était énorme, et ils peuvent soigner, alors on les protège quand même, mais avec a priori, donc par exemple pour les enfants qui ont perdu leur mère au centre Ebola et qui ne voient que des cosmonautes, on voit même pas le visage, on arrive à avoir un contact un peu plus, en se protégeant un petit peu moins ces gens-là. Alors ça veut dire que ceux qui ont eu la maladie et qui s'en sont sortis sont donc auto-immunisés, c'est voilà. Ça que ça veut dire? Voilà, c'est d'ailleurs une des pistes de recherche pour le vaccin ou les traitements. C'est le sérum des survivants, comme d'habitude. C'est le mécanisme du vaccin, quoi. En fait. C'est le mécanisme du vaccin, sauf que là, c'est quand même un vaccin qui est une chance sur 2 de mourir, donc bien c'est sûr. Pas encore tout à fait... C'est pas possible, c'est pas admissible, c'est quand même quelque chose d'énorme, d'atroce, et qui fait une peur bleue à tout le monde, donc il faut dominer cette peur, rester rationnel, du bon sens, et c'est pas évident. Bien sûr. On parle que de ça, là-bas, les populations ne parlent que de ça, sont vraiment nubilées, ce qui serait légitime, d'ailleurs. Ben, elles l'ont été, puisqu'elles ont toutes été touchées, alors, comme vous l'avez bien dit, c'est surtout les bidonvilles, les quartiers pauvres, ceux qui n'ont accès à rien, qui sont touchés. Alors, on leur dit qu'il faut pas se toucher, mais ils habitent à 10 dans une maison en tôle de bidonville, une pièce. Il y a 4 latrines pour 100 000 habitants, il n'y a pas d'eau courante. Donc, par définition, les mesures de précaution, c'est un petit peu illusoire. Donc, il faut faire des distributions de masse, de savon, de chlore, et c'est ce qu'on a fini par faire. Donc, carrément des comprimés anti-malaria pour 500 000 personnes, en expliquant aux mamans comment se traiter, même si elles n'étaient pas malades, pour éviter qu'elles aillent au centre de santé où il y a des suspects qui peuvent se contaminer également. Alors, en 1996, le docteur Bernard Le Guénot, directeur du centre des arbovirus et des fièvres hémorragiques à l'Institut Pasteur, par ailleurs collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, témoignait de ce qu'il avait pu observer au Zaïre. On l'a dit, l'apparition du virus en 76, aujourd'hui en 2014, le témoignage que nous entendons est de 1996, donc 20 ans après l'apparition du virus. Les problèmes auxquels nous avons été confrontés en arrivant au Zaïre sont les problèmes qui ont été à la base de cette épidémie, c'est-à-dire un pays complètement déstructuré. Il n'y avait plus de paye pour le personnel soignant depuis 6 mois, donc aussi bien les infirmiers que les médecins étaient complètement démotivés. Il y avait un manque de moyens techniques, c'est-à-dire pas d'eau courante, pas d'électricité, donc un hôpital dans un état sanitaire déplorable, et également un manque de matériel, c'est-à-dire que les gants sont réutilisés jusqu'à ce qu'ils craquent. Les infirmiers font ce qu'ils peuvent, ils les lavent, ils les stérilisent, mais c'était vraiment des conditions de travail extrêmement difficiles pour ce personnel. Alors, vous faites partie, vous, du personnel qui vient de l'étranger, en l'occurrence de la France, hein, pour aider ces populations. Ces populations sont conscientes que vous êtes là pour les aider. En même temps, ça les perturbe aussi. Certains sont perturbés dans leur façon de vivre, dans leurs croyances, dans leurs pratiques. Comment vous êtes accueilli précisément? Alors là, au Libéria, ben, on était quand même très très bien accueillis. Les gens qui disaient merci d'être venus, tout le monde a peur de nous. Donc on n'était pas nombreux à y aller. Après, à partir du moment où on respecte les gens et qu'on leur laisse le choix et qu'on leur explique les choses, ça devient tout de suite une relation. Donc quand on n'est pas dans des mesures purement répressives, donc West Point, un bidonville, pendant 3 jours, la police l'a complètement barricadé au nom de la quarantaine, sauf que il n'avait rien à manger et rien à boire. Donc la police ne peut plus rentrer. Et nous, Médecins Sans Frontières, on peut encore y aller. Donc on a une adhésion de la communauté qui s'organise, qui a pris l'habitude de s'organiser en communauté, elle toute seule, puisque c'est pas un État très protecteur ou très généreux. Et donc ils se débrouillent sans depuis 6 mois. Donc ils n'ont pas attendu pour savoir comment c'est Ebola. Certains n'enterrent plus leurs morts et tout. Aujourd'hui, ils réclament aussi un vieux papy, le grand-père qui meurt simplement de vieillesse. Il est aujourd'hui incinéré puisque le décret continue. Donc c'est d'une violence inouïe. Il n'y a pas de visite possible dans les centres Ebola, dans la plupart, pour limiter la contagion. Donc au départ, ça a été quand même conçu pas pour sauver les gens à l'intérieur, mais pour protéger les gens à l'extérieur, et pas seulement les Libériens ou l'Afrique de l'Ouest, mais le monde entier avait fait une barrière sanitaire avec une lenteur de réaction, l'OMS en particulier, inouïe aussi, puisqu'à part faire des visites, des rapports, zéro action. Donc alors, il y a un moment où on peut être qu'indigné. Alors justement, sur l'OMS, l'OMS est quand même sévèrement épinglé. Je lis dans le Monde Magazine, en 2009, lors de l'épidémie de grippe A, l'OMS avait été accusée d'en faire trop. Cette fois, c'est parce qu'elle aurait sous-estimé le risque qu'elle est épinglée, à juste titre, de son propre aveu. Et puis, également, dans une tribune publiée le 7 octobre, là, par l'hebdomadaire de santé britannique The Lancet, deux experts de l'Institut O'Neill de l'Université américaine Georgetown ont pointé du doigt l'OMS, encore une fois, en disant « ce sont des failles dans le leadership qui ont permis de perdre totalement le contrôle d'une maladie qu'on pouvait pourtant éviter ». Le mot « éviter » est terrible, là, quand même. Oui, alors il y a toujours une perte de chance, on peut toujours refaire l'histoire une fois qu'elle s'est déroulée. Bien sûr. Ce n'est jamais la faute que de l'OMS, qui, je rappelle, n'est que le dépendant des décisions politiques et des financements, donc c'est une responsabilité politique, c'est pas une responsabilité technique, on n'a toujours ni traitement ni vaccin contre Ebola. On peut s'en protéger, en tout cas prévenir, mais c'est... Donc après, c'est comme tout. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de morts de palu que d'Ebola. Donc là, on s'énerve parce qu'on trouve ça, c'est impressionnant, ça fait peur. Il y a eu des grands films, des larmes de sang, etc. Bon, la réalité est beaucoup plus ordinaire. C'est quand même, une fois sur deux, il ne saigne pas. Une fois sur deux, il ne meurt pas. Et une fois sur deux, c'est terrible, cette relation du soignant qui peut même plus toucher le malade et autres. Donc, c'est des drames humains. Il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de touristes. Donc, ça veut dire que les gens qui étaient déjà dans les situations difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans ces pays-là, des troubles politiques qui ont généré des violences. Donc là, il y a une arrivée massive de toute l'armada humanitaire. Et bon, ben, on espère qu'il y aura quelques petits bénéfices pour les gens. Il y en aura. Mais par définition, il y a surtout, la course pour trouver, le vaccin ou le médicament. Donc, pourvu qu'il ne soit pas réservé qu'aux gens qui sont très peu à risque et qu'on puisse l'utiliser également pour les gens qui n'auront pas les moyens de se le payer. Bien, docteur Janssen, un peu de poésie dans ce monde qui peut être cruel. En 76, on écoutait entre autres Jacques Higelin avec cette chanson « Je veux cette fille ». Je veux cette fille qui était avec moi. Je veux cette fille, comprenez-moi. Quand je suis entré avec elle. Elle avait un petit coup dans l'aile. Et maintenant je ne sais plus, je ne sais pas. Où est cette fille? Seule fille qui était avec moi. Quand on s'est pointé dans cette boîte, il y avait l'ambiance genre rôle de gare. Les frangines avaient la peau moite. Tous les mecs nageaient dans le coltard. Au type qui flippait dans l'entrée, j'ai dit hey, tu l'as pas vu passer mec? Et comme cet abruti me répond mais cette fille, seule fille qui était avec moi. Oh, t'énerve pas. Si elle n'est pas là d'ici un quart d'heure, je fais un malheur. Je veux cette fille, je ne connais même pas. Eh, hey, dis donc, qu'est-ce qu'il veut ce type? Qu'est-ce qu'il a? Oh, t'occupe, hein. Retourne au bar. Allez, dégage. Il veut cette fille. Cette fille qui était avec lui. Il veut cette fille. Cette fille. Trouvez-la lui. Hey, attention le break. Ok, il veut cette fille. Cette fille. Ce soir est dans son lit. Affaires sensibles aujourd'hui, le virus Ebola. Avec nous, le docteur Janssen de Médecins Sans Frontières. Vous revenez, je le rappelle, du Libéria. Est-ce que les gens malades, touchés, sont victimes d'ostracisation, de stigmatisation? Parce qu'ils pourraient créer une peur, justement, de contaminer. Ben oui, évidemment. Ouais. Donc tout ce travail, justement, d'explication de comment on l'attrape, comment on évite de l'attraper, et comment... on peut, une fois qu'on est guéri, on peut retourner dans sa communauté sans le faire. Bon, ben, on voit bien que ces peurs ne sont pas uniquement liées à des traditions de sorcellerie ou parce qu'ils n'ont pas été à l'école pendant la guerre. Il y a un Indien, là, qui est rentré aujourd'hui dans son propre pays, un survivant, qui est mis en quarantaine. Je rappelle que, a priori, même si Ebola reste chez les survivants un petit peu dans le sperme, si on met une capote, c'est comme le reste, c'est comme le sida ou autre chose. Donc, il y a un fantasme autour d'Ebola. Les gens, évidemment, quand il y a... c'est très spectaculaire, dans la maison, les mourants, on peut pas les toucher, on peut rien faire. Donc, il y a des scènes d'amour qui font qu'il y a des gens qui se dévouent quand même. On laisse pas mourir son papa, sa maman comme ça. Donc, il y a des enfants qui font la toilette ou l'accompagnement jusqu'à la mort. Donc aujourd'hui, oui, dire que ça fait pas peur, non. Par contre, les gens ont pris l'habitude de vivre avec. C'est quand même peu contagieux et très mortel. Donc quand on voit dans une ville d'un million d'habitants où il y a du chlore et où on ne se touche pas, mais où quand même on peut pas changer les habitudes du jour au lendemain, il y a eu peut-être 5 000, bon, disons qu'il y a même 50 000, admettons qu'il y en a 45 000 qu'on n'a jamais diagnostiqué, qui sont morts en cachette pour éviter. Malgré tout, ça fait 6 mois que ça dure et l'épidémie régresse. Donc, les gens en parlent un peu avec espoir. Bon, ils sont aussi très croyants, donc ils vont à la messe, ils prient et ils se débrouillent avec ça. Donc, aujourd'hui, c'est... voilà, ils rejouent au football, ils espèrent que les écoles vont rouvrir. Malgré tout, il va falloir qu'on prenne des mesures radicales. Donc les écoles, plus question de se mettre à 4 par banc, à 5 ans dans une pièce conçue pour 10. Donc tout est trop petit, tout est trop serré. Comment on va faire une fois qu'il y a une fièvre, alors qu'il n'y a même pas une infirmerie? Est-ce qu'on va mettre des labos mobiles partout? Donc l'inconnu total sur le futur, ça crée nécessairement une ambiance un petit peu particulière. Anxiogène, c'est normal. Anxiogène, et heureusement qu'il y a cette anxiété, ce sont des humains. Alors, qu'en est-il de la propagation du virus hors d'Afrique et dans les pays occidentaux? Quelle est la situation exacte, la situation réelle? On entend ici, ici en France, des gens dans la rue, ou ailleurs, enfin je sais pas, qui disent mais voilà, ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une peur sanitaire là, qui monte. Oui, oui, alors bon, ben, on annonce l'apocalypse chaque année, donc cette année-ci, je ne pense pas que ce ne sont que des cas importés, et on voit bien que quand on prend des mesures d'hygiène drastiques, hein, parce qu'il ne faut pas rigoler, mais qu'on se protège complètement, bon, ben, c'est quand même une demi-heure pour s'habiller et presque trois quarts d'heure pour se déshabiller. Et qu'on a ça dans des conditions de pays riches, c'est-à-dire que on a suffisamment de combinaisons, la climatisation, qu'on n'a pas 50 patients sous tente pendant qu'il pleut et qui nous arrivent par vague de 10. Mmh. Des conditions de prise en charge font que il n'y a, normalement, s'il n'y a pas d'erreur d'hygiène, bon, si on se pique un accident d'exposition au sang, bien sûr, ça augmente le risque, mais si on fait très attention et qu'on est 10 à faire attention et qu'on se relaye toutes les demi-heures et qu'on n'est pas fatigué, a priori, il n'y a pas de risque que ça se propage comme ça. Alors après, les relations sexuelles, ça aussi, c'est hein, tous les liquides corporels. Donc ça veut dire quoi? Préservatif, tout simplement? Préservatif, mais bon, il y a des accidents de capote. Oui, ah bah ça c'est comme, oui, c'est comme tout. Par rapport au sida. Voilà. Enfin, le geste de base, c'est le préservatif. Voilà. Alors après, par contre, contrairement au sida, c'est que quand même, Ebola tue vite. C'est-à-dire que au bout de 3 semaines, soit on est contaminé et mort, soit contaminé et survivant, soit on l'a pas eu. Le sida, c'est quelque chose qui dure et dure des années. Par contre, la différence avec Ebola, c'est qu'on peut l'attraper en touchant la sueur de quelqu'un, si on a la peau ouverte. Mmh. Bien. Qu'est-ce que vous pensez, justement, puisqu'on parle de ça, de la façon dont les médias traitent cette information autour d'Ebola? Est-ce que les médias sont alarmistes ou simplement et légitimement alarmants quand il faut l'être? Ben voilà, je pense qu'il faut être alarmant. On peut pas rester comme ça. Alors, comme toute alarme, ça crée une panique. Quand une alarme sonne, il faut courir et on ne sait pas pourquoi elle sonne. Par contre, aujourd'hui, quand même, avec du recul, je crois qu'on peut envoyer des messages. Par exemple, les États-Unis qui continuent à fermer leurs frontières pour leurs propres ressortissants qui doivent venir faire leur quarantaine en Europe avant de pouvoir rentrer ou être hospitalisés, ce sont des décisions politiques qui aujourd'hui n'ont plus de raison médicale d'être. Donc on peut quand même voir que c'est pas que les médias qui sont alarmistes, il y a un grand flip généralisé, et cette police sanitaire qui croit que en fermant les frontières, on va enrayer l'épidémie, il n'y a aucune histoire au monde qui montre que si on fait pas du soin sur place, l'épidémie ne se propagera pas. Donc, vivement un médicament, vivement des vaccins accessibles à tous. Alors justement, il nous reste une minute, peut-être on va parler un peu de l'avenir et du vaccin. Alors, on se souvient quand le sida est apparu au début des années 80, on se disait, bon, on va peut-être trouver un vaccin, puis on s'est aperçu que c'était tellement difficile qu'on a plutôt changé de stratégie sur les multithérapies, hein, oui. Tout en continuant la recherche sur les vaccins. Mais là, par rapport à Ebola, on peut espérer avoir un vaccin relativement vite, efficace, parce que c'est pas la même configuration que le sida, je sais pas médecin, mais... Oui, ben c'est un peu le rêve. Alors après, il n'est qu'au stade 1, c'est-à-dire qu'on le teste chez des volontaires juste pour voir s'il n'est pas toxique. Donc il y a deux candidats vaccins. Alors l'OMS, enfin tout le monde met de l'argent, donc on pense que... Mais voilà, le sida, ça fait 30 ans, le palu, ça fait 50 ans, on nous a promis un vaccin pour dans 10 ans, ça fait 50 ans qu'on attend. Donc tant mieux s'il y en a un. Mais immédiatement, il y a quand même deux candidats des antiviraux qui existent aujourd'hui et qui sont à l'essai et qui, a priori, semblent prometteurs. Merci en tout cas, merci Michel Janssen pour les éclairages que vous nous avez apportés, les éclairages de médecins et puis aussi, j'insiste, de médecins sans frontières. C'est une autre dimension de la pratique médicale, celle-là. Celle merci de solidarité. Pour l'invitation. Je vous en prie, merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.